Notre mère la guerre n'est pas un récit de guerre. C'est l'opposition entre plusieurs mondes, les militaires, les gendarmes, les officiers, les soldats, mais aussi la littérature et la réalité. Oui, oui, c'est une guerre monde un peu, la guerre 14-18. C'est-à-dire c'est là quand même la seule guerre vraiment où tout le monde l'a faite. Entre guillemets tout le monde, mais des pays entiers ont été mobilisés. Tous les hommes, toutes les femmes ont été mobilisés, etc. Donc toutes les couches de la société, tous les aspects même d'une culture se sont retrouvés dans cette guerre-là. L'économie, évidemment le combat, mais effectivement les arts aussi se sont retrouvés engagés pour ou contre. Oui, je pense qu'on peut l'intituler comme ça, une vraie guerre monde. Alors ça m'intéressait, on a que 3 fois 62 pages, c'est très difficile, mais ça oblige aussi à énormément penser son récit. Notre mère la guerre est un récit qui a demandé 3 ans de gestation déjà. Et on ne parle pas 3 ans à écrire, c'est pas ça, c'est qu'on réfléchit énormément, on teste des idées de scène, on teste des architectures de récit et puis on change et voilà, parce que il faut que chaque scène parle, parce qu'effectivement tout est intéressant à parler dans cette guerre là alors on va pas évoquer tout, le fil conducteur c'est quand même l'aventure de cette escouade d'adolescents délinquants qu'on envoie au front, mais ça nous permet, moi et Maëlle, de quand même passer en revue énormément de choses, effectivement la place de la culture dans un moment comme ça, l'opposition sociale, l'opposition aussi entre militaires et civils, entre planqués, ceux qui risquent leur vie à chaque instant, c'est énormément de choses comme ça qu'on peut aborder. C'est intéressant parce que aussi historiquement ces rapports ont évolué au fur et à mesure que la guerre avançait. On rappelait des classes plus anciennes ou plus jeunes. Même la sociologie des armées sur les zones de front bougeait. Le fait qu'un gendarme de l'arrière arrive comme ça au début de la guerre, il est évident que 6 mois plus tard, ce sera un homme différent. C'est clair. Mais il en va de même pour un vieux briscard, un soldat de l'avant-guerre qui va vivre ça. 6 mois après, ce ne sera pas le même. Et on peut en dire autant d'un officier. C'est intéressant de voir justement dans ces antagonismes comment la guerre transforme les gens et à quel point, par moment, ils souhaitent qu'elle les transforme pour que ce soit supportable. Le personnage principal du récit, quelque part, est lecteur dès le départ. Qu'est-ce que connaît le lecteur de la guerre pour la plupart de nos lecteurs ? Rien si ce n'est la guerre à travers la littérature, à travers ce qu'il en a lu. Et ce gendarme qui arrive sur le front à ce moment-là ne connaît de la guerre que ce qu'il en a lu. Donc il en a une vision qu'il croit réaliste, mais qui est effectivement relativement romancée, imaginaire, et il va découvrir petit à petit la réalité. Voilà, pour nous, c'était une porte d'entrée vraiment parfaite pour le lecteur qui va donc petit à petit, il croit connaître les tranchées. Est-ce qu'il savait qu'il y avait des vols dans les tranchées ? Est-ce qu'il savait justement que toute la société se retrouver aussi dans les tranchées, pas obligatoirement. Est-ce qu'il savait qu'il y a eu moins de 10% des soldats qui ont été tués par balle en réalité ? La plupart l'ont été par l'artillerie ou par accident, pas sûr du tout. Enfin, il y avait énormément de choses comme ça qui n'ont pas encore été fouillées. L'arrière aussi a été assez peu fouillé. Dans les livres, ça l'est. Et encore qu'on renouvelle beaucoup la vision depuis 20 ans. Mais pas obligatoirement dans le récit. Et tout le monde ne va pas aller lire les bouquins universitaires de Frédéric Rousseau, édités par l'historien de Perron, etc. Ce genre de choses. Donc voilà, nous, on est passeurs, on essaie d'être des passeurs justement à travers nos récits de ces réalités-là, souvent méconnues. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux et puis bon courage pour la suite. Merci.